بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المقتنيكي حفظه الله تعالى. 20 لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب أولا التنبيه par rapport au درس du vinaigre et de l'alcool quand on avait parlé de prendre la nourriture des koufars le jour de leur fête. En fait, il ne faut pas la prendre. Vous voyez, il ne faut pas la prendre. Apparemment, il y a un calme de Shir al-Islam dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais il ne faut pas la prendre la nourriture de leur fête pour Bab al-Inkar. Il faut vraiment montrer le désaveu de leur fête. Et la nourriture en soi, elle n'est pas haram, mais le fait d'en manger, ça contribue à cautionner ce dans quoi ils sont comme il faut. Donc là, ma yasla. Donc, quand c'est leur fête, il ne faut pas manger leur nourriture. Qui t'apporte. Dès que c'est une fête qui n'est pas acceptée par l'islam, encore plus les fêtes comme celle-ci, il ne faut pas accepter. Deux. Ah, si demain quelqu'un on dit qu'on a mangé sans savoir que c'était une fête, par exemple, la viande en soi, elle n'est pas haram. D'accord. Ils ont demandé une nourriture à quelqu'un, qui ne sait pas que c'était la fête de la nourriture de leur fête ou quoi, il a mangé. Je parle de viande qui était halal, hein. Pas un truc genre du porc ou quoi, une viande qui est à la balle qui est halal, mais qui a été faite un jour, faut pas le faire. Il a mangé sans savoir, lui on ne veut pas dire qu'il a avalé du haram. La viande qu'il a achetée, la viande qu'il a mangée, mais ce qui est l'erreur, c'est de contribuer avec eux. Comme par exemple ces jours-ci, ça va être Noël là chez les koufars. Et malheureusement, le Mawlid Nabawi, il va coïncider avec la date de Noël. Donc encore plus une catastrophe. Regarde à quoi ça amène les bid'a, au point que maintenant ils vont. Parce que fêter Noël et le Maulid ensemble. Wallah Moustahan. Taïeb. Al-Yom, on va finir le Bab Izalat al-Najasa wa Bayaniha avec les deux hadiths sur le sang des menstrues. Faqal al-Musannifu rahimahullah ta'ala. Wa an Asma' binti Abi Bakrin radira anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. Donc selon Asma, la fille d'Abu Bakr, radhiallahu anhu, la sœur de qui? Aïcha, radhiallahu anha, qu'elle a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à propos du sang des menstrues qui touchent le vêtement. Il dit, tu le grattes, c'est-à-dire tu le frottes, tu l'enlèves avec de l'eau, et après tu laves le vêtement. Et ensuite, tu fais la salade dedans. Et le hadith, c'est le muttafaq alayh. Donc il dit, mas'ala, najasat dam al-hayd. Premier sujet, l'impureté du sang des menstrues. Donc ce sang est une najasa bilijma'a. Même l'ijma'a que ce sang est une najasa. Tamam. Deuxième as'ala. Hukm baqiyat al-dima. Hukm baqiyat al-dima. Le jugement sur les autres sangs. Wa alaykoum salam. Les autres sangs. Or, menstrue. Donc le Nawawi, certains rapportent que, après qu'il ait pris comme preuve justement ce hadith de Asma, qu'il le voit comme étant une preuve de l'impureté des sangs, de façon générale, et prétend ne connaître aucune divergence. Prétend ne connaître aucune divergence sur cela. Et également d'autres personnes ont rapporté l'ijma. Et bien entendu, cet ijma, ben, il n'est pas vrai. Vraiment pas vrai. Déjà, le hadith pris comme preuve pour dire que tous les sens sont impurs, il est hors contexte. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, c'est bien quoi ? Damul Hayd. C'est venu, le sang des menstrues. Qul yas'alunaka 'anil muhayd, qul wa adha fa'tazilun nisaa fil muhayd wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. Et fa iza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah. Vous interrogez à propos des menstrues, dit que c'est un mal, donc éloignez-vous des femmes dans leur menstrue. Jusqu'à ce qu'elles se purifient. Si elles se purifient, vous pouvez alors avoir des rapports avec eux, avec elles, comme Allah vous l'a ordonné. C'est-à-dire comme cela est légiféré. Donc le hadith n'est pas à prendre comme preuve pour rendre tous les sangs impurs. Et il y a plusieurs adillah démontrant que les sangs ne sont pas forcément impurs. Mathalan, qissat an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait salat et que les mouchriquoun ont posé des entrailles de brebis sur lui alors qu'il faisait salat. Et que Fatima est venue les enlever. Il y avait forcément du sang dessus. C'est quoi? C'était une matrice de brebis. Là où il y a le fœtus à la base. Ils l'ont posé sur son dos alors qu'il est salat. Et bien évidemment, il y a du sang là-dessus. Il n'a pas pour autant arrêté sa salat. Quand même. Également, parmi les choses qui démontrent que le sang, s'il avait été haram, ou il était plutôt impur, on aurait eu des preuves claires du fait que les musulmans faisaient djihad. Quand tu fais le djihad, tu vas être blessé. Quand tu es blessé, tu saignes. Et pendant le djihad, la salade de la peur, elle est légiférée. Elle est obligatoire. Même la salade en groupe, tu l'as fait avec une façon différente qu'il y a la salade de khawf. Donc si le sang avait été une najasa, ça aurait été clairement démontré. Avec toutes les fois où les musulmans ont été confrontés de faire salade avec du sang sur eux. Wa fi qawli ta'ala, hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu. Vous ont été interdits la chair morte et le sang. Là, c'est la consommation. Cela ne veut pas forcément dire la najasa. فقول تعالى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ou du sang qui a coulé par une blessure ou autre ou de la chair de porc car cela est certes une chose mauvaise. Et là le sang cité ou plutôt le domir dans فإنه رجس, ça revient à quoi? Ça revient au porc. Le domir là il revient au porc. Allez, comment ça? Et on a dit que rijs n'inclut pas forcément la pureté. Il fait rapporter authentiquement qu'Ibn Mas'ud avait égorgé un animal qui fut entaché de sang et il a fait la salade sans pour autant laver son vêtement. Et c'est un hadith qui était plutôt un phare qui était apporté par Abdul Razak et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani dans le Sahiha. Il rapporte une parole de Charles Al-Thaymin qui dit que la parole la plus prépondérante, c'est que le sang, hormis le sang des menstrues, n'est pas une najasa. Ce n'est pas une najasa. Même le sang. Donc le Shiri dit, donc quant au sang des animaux, et également même le sang, plutôt le sang de ceux dont la chair morte est pure, comme par exemple le poisson ou les animaux marins, donc leur sang est pur. D'accord. Là, quand il parle de chair morte, il parle des animaux qui sont de chair morte qui sont purs, comme le poisson, comme également la sauterelle par exemple. La sauterelle, elle n'a pas de sang. C'est un insecte, ça n'a pas de sang. Si il y a du sang, je ne suis pas au courant. J'ai jamais vu une sauterelle qui a du sang. Et il dit qu'il ne connaît aucune preuve démontrant la pureté de ses sangs. Et comment le serait-il alors que le corps lui-même est pur? Donc comment son sang ne le serait pas? La meitata, on parle, de la meita, un tahira, comme le poisson ou autre, il est pur, donc comment son sang ne le serait pas également? Il fut rapporté également un athar selon Hassan, qu'il est dit que les muslims ne cessent de faire la salat, même dans leurs blessures. Et les blessures, bien évidemment, elles sont ensanglantées, il y a du sang dessus. Également, Ibn Omar, Omar ibn Anou, lorsqu'il fut poignardé durant sa salat, lorsqu'il fut assassiné, et que le sang coulait, il fut justement épongé par une chose qui avait qui avait du sang qui a coulé, il l'a essuyé avec ses doigts, seulement, tu vois, après il a fait salat, sans refaire le dos. Ça s'est apporté dans mon livre de Ibn Abi Shayba. Et également les animaux terrestres, d'accord, dont il n'y a aucune preuve qu'ils soient nagés à ça, et également leurs sangs sont purs. Non, leurs sangs sont purs. تمام ابقى يبقي عن الحديث كي صلو ابو هريره قال قالت خوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثاره اخرجه الترمذي وسنده ضعيف دونك صلو ابو هريره كو خوله الا دي او مسجد الله سيامي لو سون نسون فابا سيدي ابري لافوار لافي تو il dit l'eau te suffit et ces traces ne te nuisent en rien, ne te portent aucun préjudice. On ne pas à Tirmidhi. Mais le hadith, il est daif, il est faible. Mais ce hadith, on peut s'en passer par le hadith précédent. Taïeb. Donc il dit Mas'ala, istirdam mawad munazzafatin ma'alma fi ghusl dam al-hayd. Le fait d'utiliser des substances nettoyantes, des produits nettoyants, avec l'eau pour laver le sang des menstrues. Donc là dans sa parole, yakfiki al-ma'u, l'eau te suffit dans le hadith. Yakfiki al-ma'u. Certains ont pris comme preuve que cela suffit. Hein? Cela démontre qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser autre que de l'eau. Même ce hadith est le da'if, il dit quoi dans le hadith? Il dit tahuttuhu thumma takrusuhu bilma. C'est-à-dire tu le frottes, ensuite tu l'enlèves avec de l'eau. Et ensuite tu le laves. Tu l'enlèves avec de l'eau, il n'a pas rajouté autre chose. Donc l'eau en soi suffit pour enlever le sang de monstru. Car Satan nous a rajouté comme condition donc la base pour retirer le sang, c'est l'eau. C'est l'eau. Et quand... dans le hadith, yakfiki elma, si le sang ne s'en va pas, l'eau te suffit, et que sa trace ne te nuit rien, ne te porte aucun préjudice. Le hadith d'avant, de Asma, qui est authentique, dit bien qu'il faut frotter. Faire partir le sang avec l'eau et après laver. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut frotter. Parce que le sang de Haïd, c'est une najasa mughallata. Elle est grosse. C'est pas comme le bol du roulem qu'on a pris. C'est le contraire. Le sang du Haïd, c'est comme, tu vois, les excréments par exemple, c'est une grosse najasa. Maintenant, s'il reste. Le sens, en fait, c'est que si jamais tu as fait tout ça, le shir dit quoi? Al-hadith wa in kana da'ifan illa annahu yadullu alayhi hadith asma al-mutaqaddim. Fa innahu amaraha bi ghuslihi bil ma'i wa lam yafsil bayna ma dhahaba atharuhu wa ma lam yadhhab atharuhu. Wallahu a'lam. Dit que le hadith, même s'il est faible, et bien qu'il est appuyé par l'autre hadith de Asma, qui lui a ordonné de laver le sang. Tamam? Avec de l'eau. وَلَمْ يُفَصِّلْ بِنَ مَا ذَهَبَ أَثَرُهُ وَمَا لَمْ يَذَهَبَ أَثَرُهُ. Et qui n'a pas détaillé entre ce qui laisse une trace en fait et ce qui n'en laisse pas. Et à partir du moment où tu as fait ce qu'il a dit, مثلاً, une fois que tu as fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire tu as tout fait les trois étapes, tu as fait le frottage, d'accord, après tu as fait avec l'eau, essayer de le faire partir, et après tu as lavé le vêtement, Inch'Allah, tu as accompli l'ordre. Car c'est vrai que dans le hadith, il stipule pas qu'il faut qu'il y ait un qui reste. Il se peut que des fois, en frottant, il y a une petite trace qui reste, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il est considéré ou pas, il l'a pas précisé. Après, il dit Mas'ala. El najasa tusibu thawb wa la yu'lam makanuha min thawb. Une impureté qui a touché un vêtement, on ne sait pas à quel endroit elle a touché, le vêtement. Amen. Donc, là, c'est quoi qu'il faut faire? Il y a trois aqwal. Le premier, qui lave le vêtement entièrement. Deuxième qu'aul, qui cherche où est-ce que le vêtement a été entaché, et qui lave cette partie-là. Et troisième qu'aul, il lave la partie principale touchée par le vêtement. En fait, par exemple, ton vêtement, ton kamis, t'es touché par une najasa. Tu sais, même si tu sais pas c'est où exactement, tu sais approximativement c'est où. Ou c'est en haut, c'est en bas. Par exemple, tu as marché quelque part, tu sais que ton genou touchait une partie qu'il fallait pas toucher. Sur un mur, il y a une najasa. Donc déjà, c'est pas l'épaule. C'est pas la poitrine. D'accord? C'est pas la poitrine. Ça va être où? Vers le bas. Donc la partie de ce côté-là, tu nettoies tout. Tout ce qui est partie inférieure, par exemple, si on dit que c'était le genou droit, tu laves cette partie-là. Partie droite inférieure. Si c'est la gauche, c'est la gauche. C'est-à-dire, tu fais une marge assez large, t'as même, mais maintenant tu sais que c'est pas en haut que ça a touché, c'est pas la peine de laver en haut. Tu lèves la partie approximative de là où la najasa aura touché le vêtement. Également, la najasa, pour l'enlever, il n'y a pas besoin de niya. T'as même, il y a des œuvres comme ça qui n'ont pas besoin de niya. Pour qu'elles soient valides. Ce qui est demandé, c'est que la najasa s'en aille. Même des fois, on dit que ta najasa, tu l'as fait enlever sans faire exprès. Khalas. Hasal al-maqsoud. L'objectif, il a été atteint. Même t'as pas fait exprès. Quelqu'un avait une najasa sur son vêtement, Mafalan. Il savait pas. Le vêtement, il l'a enlevé. À son habitude. Par exemple, je sais pas, il avait une trace de najasa sur un endroit, il l'a pas vu. Et il s'est taché avec son stylo, de l'autre côté. Donc, il veut changer de camis, par exemple. Par rapport à la tache d'encre du stylo. Il le met à la lessive, à la machine. Il le lave. Le kamis, il sort tout propre. La najasa, elle est partie. Est-ce qu'on dit non? Quand t'as pas eu la niya, la najasa est toujours valable. Non, elle est partie. Même s'il a pas eu la niya dans la najasa, du fait qu'elle soit partie, classe. Il y a que fial. Ouais, par rapport aux tâches qui restent. Non. Celui qui n'a pas fait les trois étapes, c'est genre, comme maintenant, tu vois, les femmes, elles jettent directement dans la machine à laver. Ça fait office, parce que ça fait les trois. La machine, ça frotte, ça lave. En fait, les étapes, c'est pas forcément dans l'ordre. C'est qu'il y a eu, en fait, il y a eu un travail qui a été fait. Tu comprends? Il y a un travail qui a été fait. Et la machine à laver, elle fait le travail. Elle fait le frottage, elle fait le lavage. Et elle mouille. Donc la machine, elle fait le travail. Sinon, si tu fais à la main, il faut qu'il y ait du frottage avec de l'eau, ou ce qui nettoie. C'est pas juste tu prends de l'eau et tu poses comme ça. Mec, il faut que tu frottes. Faut que j'ai eu un travail qui a été fait, de lavage. Par exemple, dans le masjid où le arabe il a uriné, le bédouin, dans le hadith de Anas. Il n'a pas frotté, il a juste versé de l'eau dans la partie khlas, c'est tout. Il n'a pas dit après faut frotter avec un objet ou quoi. Juste à verser de l'eau, ça c'est fini. Mais le vêtement qui a du haïd, tu penses que tu jettes un verre d'eau, un seau d'eau dessus, après tu le laisses, faut frotter. En plus. Ah, c'est ça qu'il veut faire comprendre. Donc tout ce qui fait ce travail-là, Alhamdulillah, le hasal al-maqsoud. Après, justement, là, il en parle. Mas'ala, yassir najasa, alati yashukku et taharruz minha. Le peu de najasa qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Justement, ça vient à ça. Et il dit quoi le shir? C'est une part de shir al-islam qui est assez longue, sans le khulasa. Il dit, ce qui est trop dur à enlever. D'accord? T'as essayé, mais t'as pas réussi à enlever, par exemple, yu'fa anhu. C'est une chose qui est graciée. T'as même? Qui a, se basant sur la qa'ida qui est, al-mashaqqa, tajib al-taysir. Par exemple, un exemple, ça revient justement, bah, tiens, c'est la réponse à tout à l'heure. Le sang du haïd, une femme, elle a frotté, reste une petite marque. Bah, cette marque-là, inshallah, ma'fou'an. Allah zahir al-kalam. Elle a tout fait, elle a bien frotté et tout, mais c'est resté. Mais c'est un truc minime, il dit, il parle bien. Et que tu n'as pas réussi à enlever. Après, il dit, Mas'ala, Man waqa alayhi thaw ala thawbihi ma'un la yadri anajasun am la fahel yas'al anhu. Donc il dit, celui dont une eau est tombée sur son vêtement, et qui ne sait pas si cette eau est une najasa ou pas, une impureté ou pas, est-ce qu'il demande, est-ce qu'il interroge? De l'eau est tombée sur lui, d'un endroit, par exemple. Est-ce qu'il doit interroger? Il ne sait pas si cette eau elle est pure ou pas. Est-ce qu'il interroge ou pas? Est-ce qu'il cherche, est-ce qu'il fait une enquête par rapport à cette eau? Donc il dit, Cheikh al-Islam, rahmallahu ta'ala, il n'est ni obligatoire de laver, et ni même recommandé, ni même mustahab, en vérité. Et ni même de demander. D'accord? Ce n'est ni obligatoire de laver, ni recommandé de laver, et ni mustahab de demander cette eau-là d'où elle vient. Et c'est un affaire de Omar Ibn Khattab, qui était avec un de ses, avec un quelqu'un qui l'accompagnait, et une goutte qui est tombée, une goutte qui est tombée justement sur son compagnon. Donc il dit, c'est-à-dire celui qui était touché par l'eau, il appela le propriétaire de la maison, je crois, d'où c'est tombé. On disait, est-ce que cette eau, Tahir Amla, ton eau elle est pure ou elle est pas? Et qu'est-ce qu'il a dit Omar? Il a appelé la même personne, il lui a dit quoi? La tourbelohu, feina hazali sa'ali. Allah alam. C'est-à-dire, ne lui réponds pas. Ça c'est pas, ça ne lui revient pas de demander ça. C'est-à-dire, c'est tombé, khlas. Le os, il achène le tahar. Si t'as pas une preuve, un truc, par exemple, t'as une odeur qui te montre clairement que c'est voilà, t'as pas demandé. Sinon, c'est n'importe quoi ça, oui. Imagine demain tu marches avec une goutte d'eau, c'est quoi cette goutte d'eau? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est fini. Maintenant, il y a des choses, on connaît. Des lieux, c'est connu. Comme nous, par exemple, à Demej, dans les Bayara, la Mazla'a. De l'eau qui est dans la rue, comme ça, on sait c'était quoi en général. C'était pas de l'eau de pluie. Il n'a pas plu. Il n'y a pas de pluie, il n'a pas plu, il n'y a rien eu. Il y a de l'eau qui coule comme ça, là. Généralement, on sait c'était quoi. C'était pas de l'eau vitelle. On le savait. Donc là, il y avait l'odeur en plus. Et on voyait d'où elle sortait. Sortait d'où de Bayara, la fosse septique. Donc on savait à la tôle. Directement que cette eau-là, elle était de la chasse. C'est-à-dire que quand une chose, tu sais c'est quoi, c'est autre chose. Mais le os, quand tu sais pas, d'accord, et que t'as pas un indice qui t'indique, par exemple, une odeur ou quoi, même la couleur, ça peut être de la terre. Tu sais pas ce que c'est. Mais il n'y a pas d'odeur ni rien, tu restes sur le os, tu ne demandes pas. Mais au pire, tu sais pas, tu nettoies. Ma fiché, t'enlèves ou quoi. Ma fiché, la jouze. Mais c'est pas moustahab. Et encore moins wajib. Mais si tu le fais, on ne peut pas te blâmer. Allah Ta'ala alam. Donc là, on a pris quoi? Que le sang de Haïd, d'accord, c'est un sang qui est impur, c'est une grosse impureté. Et pour le retirer, il faut frotter avec de l'eau. Il faut y aller. Et après, on a dit, s'il reste une petite trace, t'as pas réussi à enlever vraiment, tu t'es forcé, t'as pas réussi à enlever, Inch'Allah, yu'afa'an. Naam. Donc, minhuna, de là, on a fini, alhamdulillah, bab, izalat najasa, wa bayaniha. Inch'Allah, min ghadin, Inch'Allah. ندخل في باب الوضوء dans le chapitre des ablutions. والحمد لله رب العالمين.